On va parler avec notre ami Marc Fortier. Salut Marc. Salut Danny. Marc, j'aurais misé 100$ que ton chum Marc Bergevin est sûrement assez avec les Kings. On en parlait déjà pas mal de Bergevin Hurley. Donc, hier, ça s'est confirmé. Conseiller senior. Ça fait quoi un conseiller senior en passant, hein? Ben, écoute, Danny, ça, c'est un titre qu'on peut donner. C'est sûr et certain que c'est un fit naturel pour Marc de se retrouver à Los Angeles. C'était un grand. C'est un ami personnel, un Pas de brisson. de Pat Brisson et de Luc Robitaille. Ouais. Alors, connaissant la connaissance-là, ben, en plus, là, tu sais, Danny, on dit souvent dans le monde du hockey, c'est pas qui on est, c'est qui on connaît. Ben ouais. C'est un monde de contact, sauf que, tu sais, c'est quand même un gars compétent là, qu'ils sont allés chercher. Là. Ils ont pas rendu service à quelqu'un qui a aucune expérience, un gars qui connaît rien, mais qui veut donner un break à son chum. Là, c'est pas ça. C'est Marc Bergevin qui a une feuille de route extraordinaire. Alors, ça va être un bon fit pour lui à aller. Pour le poste, on s'entend que il va seconder Rob Blake dans ses fonctions. Rob Blake qui est en place là, depuis un bout de temps. C'est quand même un gros nom à Los Angeles. C'est un gars qui a une belle carrière avec les Kings. Mais tu peux pas arriver et dire on nomme Marc Bergevin Non. assistant du directeur gérant quand on sait comment gros Marc Bergevin est quand même en tant que réputation de directeur gérant. Ça aurait l'air fou un peu de dire que le professeur va seconder l'élève, là, t'sais, ça ressemble un peu à ça, même si je veux pas rien enlever à Rob Blake, là, mais t'sais, si tu regardes la feuille de route de Marc Bergevin et toute l'expérience qu'il est allé chercher et avec quelle équipe il l'a fait, Hey, lui, ça il fait va un se peu intimidant. sentir en vacances, hein, Bergevin, hein, avec les Kings de Los Angeles, puis partir à Montréal. Là, le marché est plus gros, mais Ben. à quelque part, le marché est plus gros, mais il y a tellement d'équipes à aller que. Écoute, le match, on même pas. Dans le temps, je travaillais le soir, j'écoutais le match, la radio, puis les matchs sont même pas retransmis à une radio traditionnelle. Fait que c'est toute une différence avec Montréal, tu sais, dans le fond, là. Oui, mais ça ne sera pas des vacances parce que Marc, ceux qui le connaissent, là, c'est un gros, gros, gros travaillant, Non, mais je sais, mais il n'y aura pas la ça va pression, puis il être n'y aura pas la. oui, Ouais. oui, ça va être des vacances Dans ce sens-là. médiatiques. Ouais. Oui. Dans ce sens-là. La pression, Danny, on a toujours, peu importe où on est, mais c'est sûr qu'à Montréal, avec les médias. Qui sont gros, t'as les Dodgers qui sont gros avec le football, les Chargers qui sont rendus même à Los Angeles. Alors, t'as deux équipes de football professionnel. C'est sûr que le hockey n'a pas la même place, mais c'est quand même gros. C'est quand même gros le hockey. Depuis l'arrivée de Wayne Gretzky là, Ouais. à la fin des années 80, là, ça a changé l'amour du hockey en Californie avec Anaheim qui est pas loin, avec Saint-Nosé qui est pas loin aussi. Alors, c'est sûr que pour la pression, ça se compare pas avec Montréal, là. Marc va être en vacances des médias, mais Marc, c'est un gros travaillant. Puis je sais qu'il va se donner autant que quand il est à Montréal. Sauf qu'effectivement, côté pression, ça va être beaucoup moins chargé. Deuxième point d'actualité, Chantal Maccabée. On ne l'a pas commenté la semaine passée, Chantal, parce que. J'étais en vacances, puis tu étais en vacances, mais écoute, c'est une belle nouvelle. Ça, tu peux pas avoir mieux, tu peux pas avoir mieux que Chantal Maccabée, dans le fond, pour occuper le poste. Et ça, c'est rafraîchissant parce que au Québec actuellement, il y a un climat de division terrible. Tout le monde saluait ça. Vaccinés, non vaccinés, gauche, droite, pro-Legault, contre-Legault. Chantal Maccabée faisait l'unanimité, puis tout le monde était content, puis ça a fait du bien. Écoute, Danny, dans le monde du sport, dans le monde du hockey, c'est rare, très, très rare que peu importe la décision que tu vas prendre, Ouais. que ça va amener l'unanimité. C'est très, très, très, très rare. Dans ce cas-là, là, écoute, j'ai même pas lu, entendu, écouté, qu'est-ce que tu voudras, un commentaire qui a été négatif sur l'embauche de Ouais. Chantal Maccabée. C'est unanime à 100%. Alors, c'est sûr que ça fait du bien et avec raison, là. Tu sais, Chantal, là, c'était une pionnière, un pour les filles Ouais. journalistes. C'était une des premières, là, qui, Très avec Danielle. gentille aussi. Oui, belle Ouais. personnalité. J'ai eu J'ai eu la chance de la côtoyer dans le monde du hockey. Chantal, c'est une femme très respectueuse. Comme on dit, elle était là à guerre pour ses collègues féminines, pour ses collègues féminines. Alors, c'est une embauche. Moi, je pense qu'elle va adoucir la relation qu'il y a entre les médias et les joueurs et l'organisation. Alors, c'est une très, très, très, très belle nomination. On souhaite que le meilleur pour Chantal, puis je pense que ça va être bénéfique pour tout le monde. Rapprocher les joueurs des partisans. Moi, je me rappelle, Marc, dans ton temps, ben, tu étais avec les Saguenay, je fais quand même, on a le même âge, là. Les joueurs participaient à des tribunes téléphoniques. On pouvait appeler les joueurs. Moi, je me rappelle, j'avais appelé Denis Savard, qui était avec les Canadiens, dans une tribune téléphonique avec Pierre Trudel puis Mario Tremblay. Jamais tu verrais ça aujourd'hui. Jamais dans 100 ans. T'sais, si, tu Ouais. vois-tu tu vois, tu vois un joueur participer à une ligne ouverte, je sais pas moi, David Savard participer à une ligne ouverte, parler avec les partisans. Jamais tu vas voir ça. Puis ça, pourquoi qu'on ne verrait pas ça aujourd'hui? Ben c'est sûr que ça a évolué dans un Ouais. certain sens d'année où aujourd'hui, là, chaque mot est pesé. Ouais. Faut que tu fasses attention où tu mets ta virgule. Il faut faire attention à ce que tu dis, comment tu l'utilises, comment tu formes ton mot. Non, mais c'est Alors, sûr. Ouais. on est tellement sur un terrain glissant maintenant de tout ce qu'on dit que, tu sais, ça peut être un peu plus risqué. Malheureusement, je pense pas qu'on va en venir jusque-là. Non, on Par sait. contre, il y a une façon, en tant qu'athlète, de te rapprocher de tes partisans. Et je pense que c'est là-dessus que Chantal semble vouloir se diriger, où est-ce que il va avoir une meilleure accessibilité des joueurs envers les médias et envers le public. J'écoutais Luc Gélina cette semaine, ben, ce matin à Radio X avec Morin. Puis Luc Gélina, écoute, c'est un ami, au-delà que c'est un collègue de travail, c'est un ami de Chantal Maccabée. Puis il dit, comptait comment que la relation avec les médias était rendue toxique avec la direction du Canadien et les médias. Puis il disait que les Canadiens, tu sais, j'en fais de la radio Internet, ça fait longtemps que j'en fais, là, mais je partirai pas de rumeurs, je suis pas le gars qui va se dire que j'ai des contacts qui me disent qu'un tel est sur la côte. Mais ça existe, ça, tu le sais très bien. Là. Puis là, c'est le même que des potins partent. Sauf que, tu sais, il y en a quand même qui. Et ce qu'on disait, ce que Luc Gélina disait, il dit la direction du Canadien met tout ça dans le même panier. Les gens qui sont à RDS avec les gens qui sont dans le sous-sol, qui partent des rumeurs. Et ça, c'est. Faut quand même faire la part des choses entre les deux. Là. Et je pense que Chantal va amener ça la grande différence, là. Oui, sauf que des fois, Danny, c'est difficile de tracer la ligne Ouais. entre sur qui on peut fi se fier et sur qui on ne peut pas se fier. Ouais. Alors, c'est parce qu'à l'époque, là, Danny, là, dans les années 80, les années 90, là, le Canadien avait le contrôle sur l'information. C'est eux qui décidaient qu'est-ce qui sortait dans les nouvelles, qu'est-ce qui sortait pas. Alors aujourd'hui, c'est plus ça. Là. Avec les réseaux sociaux, avec tout, on ne peut plus rien cacher. Alors, c'est pour ça que pour le Canadien, ils sont éloignés un petit peu de la proximité qu'il y avait avec les médias, parce qu'avant, c'est eux autres qui contrôlaient tout. Alors, quand tu perds le contrôle, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu te refermes sur toi-même. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est plus difficile la relation. Mais si justement une femme comme Chantal peut réussir à ramener un petit peu cette proximité-là, ça va être tant mieux. Ok, on va parler maintenant de dernier point que je veux t'emmener, Marc. Je veux t'emmener sur, encore une fois, le Québec est fermé actuellement. Moi, la question que je me pose, puis j'écoutais Yann Sénéchal qui posait une bonne question. Pourquoi ça sert à quoi faire des comités sur la relance du hockey quand les ligues sont fermées puis que les jeunes ne jouent pas? Ah, mais regarde, C'est. Danny, ouais, Hein? c'est sûr que ça fait pas de sens parce que nous, là, Ouais. ce qu'on déplore en tant que peuple, c'est qu'on est le peuple le plus vacciné au monde, puis on est le peuple qui a encore les Ouais. plus grandes restrictions dans le monde. Alors, tu sais, c'est là qu'on se sent floué parce qu'on nous dit faites-vous vacciner pour retrouver la liberté, puis malgré le fait qu'on l'ait fait, on reste quand même les plus tôt, tu sais. Alors, il va falloir à un moment donné qu'il y ait des décisions qui se prennent parce que là, comme on dit, oui, on respecte encore le virus, puis on sait qu'il y a des variants, puis on sait que c'est dommageable. Mais tu sais, commencer à acheter la pierre sur un ou sur l'autre, puis là, c'est ceux qui sont non vaccinés, puis là, tu sais, les hôpitaux, là, ça fait 25 ans qu'ils débordent, puis ils débordaient avant que le virus soit là. Alors, au lieu de blâmer les autres, là, puis de dire que c'est la faute de tel ou tel, on devrait peut-être se regarder dans le miroir au gouvernement, puis dire, écoutez, on a fait des erreurs, on n'a rien fait pendant toutes ces années-là, on n'a pas amélioré la situation, on a laissé vieillir notre système, puis là, ben, il n'est plus capable de fonctionner. Alors, Ah, mais mais là, ceci je étant reviens dit, ça. sur le hockey, là. Je reviens sur les jeunes sur le hockey, là. Tu sais, à un moment donné, il va falloir qu'il se passe de quoi, là. La Ligue junior du Québec pourra pas continuer éternellement de même. Là. Il est arrêté, c'est quoi, c'est le 14 janvier, la date du retour? Quand est-ce qu'on... Puis on sait même pas, je pense que c'est 50%, on veut jouer à 50%. Mais avant d'atteindre la Ligue nationale, Legault veut ça, veut avoir plus de Québécois dans la Ligue nationale. Mais si tu les fais pas jouer, ils vont se développer où, puis quand, puis comment. Puis à part là de ça, c'est les jeunes aussi, là. Je peux pas croire mais que les commissaires, les propriétaires de ligue, les dirigeants de ligue comprennent la situation, puis bagarre, c'est la santé avant tout. Pis, non, maintenant, là, regarde, ça fait 2 ans, là. Fait que, tu sais, maintenant, il faut avancer aussi, là. Ouais, mais Danny, comment tu veux faire d'aller contre un tsunami? Même si tu auras les meilleures intentions, regarde, les Canadiens ne sont même pas capables de jouer. Alors là, tu demandes à la junior majeure, à la Ligue Midget 3 ou Hockey Québec de se lever debout puis d'aller aux barricades quand les plus grosses organisations de notre pays sont même pas capables de pouvoir fonctionner. Alors, c'est de te battre contre le système, puis quand c'est pas toi qui décide, ben, tu sais, on est un peu victime, puis on n'a pas le choix, là, alors. Mais c'est sûr et certain que le dommage collatéral à cette pandémie-là va être, ça va être effrayant, là, pour la santé mentale, pour les L'espoir. suicides, pour les business qui vont faire faillite, pour les gens qui vont tout perdre, ce qu'ils ont acquéris durant leur vie, ça va être incroyable. Moi, je pense qu'on voit seulement la pointe du iceberg, là, parce que moi, je pense que quand on va focusser sur d'autres choses que le virus, je pense qu'il va y avoir des dommages qui vont être encore plus grands. Effectivement. Hey Marc, en terminant, j'étais en train d'oublier complètement ce qui se passe. Zach Fucalé a perdu en fin de semaine, mais il a établi un record. Moi, écoute, c'est drôle, hein? Je trouve que c'est vraiment une belle histoire dans le cas de Zach Fucalé. Puis il a 27 ans, il n'est pas trop tard. Si on lui fait confiance, quelque part, et je te dis pas que ça va être un gardien de but dominant dans la nationale, c'est pour ça que je dis, là. Mais il a le talent d'être au moins minimum un Jonathan Bernier, un Louis Domingue, quelque chose de même. Écoute, le gars, tu peux pas tomber du jour au lendemain. Puis, écoute, dans Junior, c'est un gardien de but dominant. Il était Team Canada. Plusieurs disent qu'il a été surévalué. Ça, j'en prends puis j'en laisse. Mais quelque part, ce gars-là, quand il est arrivé dans l'organisation du Canadien, il a mis Charlie Lindgren dans les pattes. C'est là que. Parce qu'il avait connu une bonne première saison dans la Ligue américaine, là. Fait que moi, je m'excuse, hein. Si on y fait confiance, pas trop tard pour avoir une carrière dans la Ligue nationale. T'sais, Jack Campbell est arrivé à 27 ans, et aujourd'hui il va peut-être gagner le Vézina. Tim Thomas est arrivé vieux également. C'est que t'en penses? Ben moi, j'ai un mot que j'ai à l'esprit quand je pense à Fucalé, c'est persévérance. Effectivement, il a une belle carrière junior. C'est un gars qui a voué un bel avenir dans la Ligue nationale. Malheureusement, le chemin s'est refermé un petit peu pour lui, mais Tabarouette, on sait que c'est un gardien de premier plan. Mais est-ce que c'est assez pour devenir un numéro un de la Ligue nationale? Peut-être pas. Mais comme tu dis, il y a des gardiens qui font des très belles carrières à être des numéro deux. Puis Jonathan Bernier, puis aujourd'hui, il y a deux gardiens de but. Aujourd'hui, ça prend deux gardiens de but pour arriver. exact, exact, exact. Alors, non, moi c'est chapeau à Fucalé. Peu importe son âge, il continue à y croire, il continue à se battre pour atteindre son objectif. Et puis il est tombé dans quand même une belle place à Washington. Puis on va rien que lui souhaiter du bien, si ce n'est que pour sa détermination. Ben, effectivement. Marc, on s'en reparle quand l'actualité du sport va l'exiger. Parfait, Danny, Notre ami merci. Marc Fortier qui nous parlait de hockey.